Les affaires, hein. Jessie Coiffure. Isaia Messini. ami mélomane. Dans cet album, je fête mes 20 ans de carrière. Que ceux qui m'ont connu et apprécié trouvent en cette œuvre qu'ils garderont ma gratitude. La parole du serviteur Ndombé Opetum.